ce qu'il faut en ce jour nous quitter à jamais, puisqu'il faut pour toujours que nos cœurs soient séparés. Laisse-moi te dire ce que je n'ai jamais osé. Laisse-moi te dire ce que je n'ai pas su t'avouer. Que je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Oui je t'aime, oh je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Puisqu'il faut aujourd'hui que ma vie soit finie, que tu dois cette fois t'en aller loin de moi. Laisse-moi te dire ce que je n'ai jamais osé. Laisse-moi te dire ce que je n'ai pas su t'avouer. Que je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Oui je t'aime, oh je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Je sais bien qu'aujourd'hui on ne dit plus ces mots-là, mais vois-tu, cette fois c'est plus fort que moi. Oui je t'aime, oui je t'aime, oh mon amour. Oui je t'aime, oh je t'aime, oui, je t'aime.